brûle, chaque mot me suit. Je ferme les yeux, ton souffle m'attache. Chaque frisson s'imprime et me rattrape. Sa voix rauque s'accroche à mes nerfs. Nos deux souffles glissent en secret. Chaque désir devient muet. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts entwine. Try to skill your voice in mine. Born of secrets carved in sound. Every whisper pulls me down. We are writers, skill eternal. And our voices shake. T'es mal et si long me whisper. Chaque mot s'envole silencieux. Ton souffle court frôle ma peau. Chaque vibration devient fardeau. Ride a skill glisse dans mes veines. Sa voix rauque murmure. Nos mots s'effacent dans le noir. Chaque soupir devient miroir. Nos voix se brisent, nos corps s'élancent. Chaque vibration devient romance. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque passion devient centrée. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts entwine. Ride a skill, your voice in mine. Born of secrets carved in sound. Every whisper pulls me down. We are writers, skill eternal. And our voices shake the ground. Nos voix s'élancent dans le secret. Chaque souffle franchit l'interdit muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque mot s'imprime plus fort. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts entwine. Ride a skill, your voice in mine. Born of secrets carved in sound. Our riders skill eternal. And our voices shake the ground. Sous ton souffle je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Riders Chant intime, une douce chair.